Allons, partons ensemble, là où aucun être humain n'a jamais été. Oh non, faut être vraiment malade pour continuer d'imposer ça aux gosses. Où étiez-vous la nuit dernière? Chez moi, j'ai regardé la télé. Toute la nuit? Oui, toute la nuit. Mon Dieu, quelle mère indigne je fais! J'en ai marre de me faire manipuler! T'as vraiment rien de mieux à faire que de venir ici branler cette foutue machine. Il y a des fois où je fais pas la différence entre la merde et le cirage. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Home Alone, le rendez-vous bimensuel des flemmards qui, malgré la réouverture des salles, continuent de regarder des films depuis le fond de leur canapé ou de leur lit. Le rendez-vous du cinéma à la maison. Ce soir, j'ai le plaisir d'être accompagné comme de coutume par mon cher Jean. Bonsoir Jean. Bonsoir tout le monde. Alors, dis-nous tout. Toi, as-tu trouvé le temps, retrouvé l'envie d'aller dans les salles obscures? J'ai mis un petit temps, une petite semaine et demie. Ah oui, quand même. Une fois que j'ai retrouvé le chemin, une fois, je l'ai retrouvé 3-4 fois quoi, en quelques jours. Mais là, ça fait un petit moment que je suis pas retourné quand même. Et alors, qu'est-ce que ça fait de retrouver le grand écran? C'est comme une nouvelle expérience. On a l'impression de redécouvrir quelque chose. Mais après, il faut que les films suivent, forcément. Mais, eh oui. Mais même un petit film, ça fait plaisir au cinéma quand même. Ok. Tu as vu des pépites ou... J'allais préciser, il y a quand même aussi la climatisation qui fait, c'est vrai. Qui fait beaucoup. C'est vrai. Hein, surtout, on approche des grosses chaleurs. Là. Ouais. Je ne sais pas si il fera encore aussi beau et aussi chaud quand les gens écouteront cet épisode. Mais là sachez-le, on est presque nus. Derrière nos micros. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on attaque? Non. Non, pas du tout. Bah, aller au cinéma, quoi. Ouais, c'est vrai, aller au cinéma. Même si on vous parle de films à regarder chez vous, évidemment. Bah oui. On ne peut que vous conseiller d'aller au cinéma. Moi, je plaide coupable, je n'y suis pas encore retourné. Bah, c'est une question de temps. C'est ça, c'est une question de temps. Après cet enregistrement, peut-être, sûrement. Donc, avant de commencer, je voulais également rappeler à nos auditeurs que pour suivre notre actualité, ils ont moult choix, Facebook, Instagram, Twitter, notre newsletter qui n'est plus du tout à jour, mais ça sera bientôt le cas, pour être tenu au courant de nos prochaines diffusions, mais également pour avoir accès à encore plus de contenu, de blagues, de recommandations, tout ça. Et sachant qu'on est toujours aussi nul en com, si jamais certaines parmi vous se disent qu'ils pourraient faire mieux et que par bonheur ils ont du temps à donner, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Voilà. Tout cela étant dit, nous pouvons commencer. Et pour commencer, je vous propose d'ouvrir les hostilités, Jean, tout en bienveillance, bien sûr, avec notre première rubrique, Stream Breakers. Madame, monsieur, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 20h, bonsoir à tous. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, la fois dernière dans Stream Breakers, le mercure avait déjà commencé à monter d'un cran avec Attack of the Giant Blurry Finger de Cody Clark et PVT Chat de Ben Ozzy. Et cette semaine, il va continuer de grimper dans un programme 100% féminin. Car nous allons en effet vous parler ce soir de trois films et deux séries dont les protagonistes, oui, sont des femmes, qui, chacune à leur manière, se retrouvent confrontées à leurs désirs. D'abord, il y aura Christine, à moins que ce ne soit Chelsea, ou peut-être Sacha, ou peut-être Riley, qui nous emmènera dans les hautes sphères de la prostitution new-yorkaise. Ensuite, il y aura Lizzie, qui tentera de se frayer un chemin dans un monde sans homme, sans son homme, mais plein de questions qu'il laisse derrière lui, pour elle. Puis nous irons voir du côté de chez Sophie, à un moment similaire de sa vie, le deuil, durant lequel elle va décider de prendre le taureau par les cornes, à moins que ce ne soit l'inverse. Et pour finir, on tentera de survivre avec Daniel à la plus grande des épreuves qui soit, la journée en famille. Un beau programme, n'est-ce pas Jean? Très beau. Et puisque c'est notre plus gros morceau, qu'en dis-tu si, pour commencer, on retourne à New York? Ah ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors commençons donc par The Girlfriend Experience. Alors The Girlfriend Experience qui est un gros morceau étant donné que c'est à la fois un film et une série, mais on pourrait même peut-être dire plusieurs séries étant donné que chaque saison est vraiment très, très distincte des autres. Alors peut-être que pour commencer, on commence par parler de la genèse, donc du film. Ouais. Donc à la base, The Girlfriend Experience, c'est un long métrage de Steven Soderbergh sorti en 2009, dont le pitch serait le suivant. Sur fond de crise financière, une jeune femme vend son corps tout en essayant de préserver son âme. Voilà, c'est un film donc avec une actrice qui s'appelle Sasha Grey. Alors pour les auditeurs qui ne connaîtraient ni Steven Soderbergh ni Sasha Grey, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ces deux personnes? Qui sont-ils? Qui sont-elles? Qui est-il? Qui est Steven et qui est Sasha? Ok, je vais essayer. Alors, on va commencer par les femmes. Sasha Grey. Mm-hmm. Sasha Grey, ça va évoquer pour certains quelque chose, pour d'autres non. Je ne préciserai pas. Mais en gros, Sasha Grey, c'est une. Elle s'est fait connaître en faisant du cinéma pornographique. Et je crois, parce que souvent... En tant qu'actrice. En tant qu'actrice. Souvent, quand on parle des actrices porno, on a tendance à les réduire à ça et à toujours, dès qu'on entend leur nom, dire « Ah bah, c'est une actrice porno ». Sauf que Sasha Grey, je crois qu'elle a commencé à l'âge où elle avait le droit... Je crois qu'à 18 ans, elle avait le droit d'être actrice porno. Pourtant, c'est 21 ans la majorité, mais c'est possible que 18 ans soit l'âge. Ça dépend des états. Je sais pas. Mais au final, il me semble de mémoire qu'elle a fait que... 2 ans ou 3 ans grand maximum dans le porno, donc ça fait très longtemps qu'elle a arrêté. Et au final, elle est souvent réduite à ça, alors que après ça, elle a fait beaucoup de choses, et notamment du cinéma, disons, plus classique. Non pornographique, voilà. Moi, je l'ai vu dans des films d'horreur, des thrillers plutôt, en général. Pas souvent des films incroyables, mais... Je crois que c'est une grosse businesswoman aussi, genre elle essaie de monter plein de trucs, enfin elle a sûrement plein de boîtes, ou au moins une boîte à son nom. Et elle écrit des livres aussi, des romans. Érotiques. J'en avais commencé un il y a un côté peut-être érotique, mais c'est pas du roman, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas le sujet principal du film. Ça tourne autour, d'une manière ou d'une autre, du sexe, mais c'est bien plus c'est plus vaste. Plus vaste, voilà. Et Sasha Grey, peut-être que je vais me tromper parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu l'histoire, mais elle a dû croiser le chemin de Steven Soderbergh un jour. Et donc Steven Soderbergh, qui est-il? C'est un réalisateur américain qui a commencé très tôt. Très jeune, le cinéma. Je ne pourrais pas dire quel âge exactement, mais c'est quelqu'un qui s'est fait repérer très rapidement, puisque avec peut-être son deuxième ou troisième film, Sexe, mensonge et vidéo, il a obtenu la Palme d'Or à Cannes en 1989. Oui, c'était le jeune prodige de l'époque, c'était presque le Xavier Dolan de l'époque. Ouais, enfin, de l'époque. Toutes choses étant égales. Peut-être pas Orson Welles, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a pas... de réalisateurs qui sont fait repérer aussi jeunes, qui ont réussi à faire des longs métrages aussi jeunes. Je regarde sa date de naissance, il est de 63, donc en 89, il avait à peu près 25 ans quand il a tourné le film, quoi. Donc c'est quand même plutôt impressionnant. Ouais. Et j'ai l'impression que Soderbergh, c'est quelqu'un dont on parle pas beaucoup, mais en même temps, quand on a toujours des amis cinéphiles qui apprécient autant que nous Soderbergh, mais disons qu'il fait moins parler. Je veux dire, si on dit à quelqu'un qui regarde pas beaucoup de cinéma Soderbergh, ça va pas forcément évoquer grand chose. C'est pas Tarantino, quoi. Qui a eu la Palme d'Or, aussi assez jeune. Au contraire de cinéastes comme Tarantino ou Nolan, pour parler que des cinéastes de cette génération, mais même au contraire de gens comme Spielberg ou Scorsese, pour moi, Soderbergh, ce qui fait sa spécificité, c'est que c'est un cinéaste assez polymorphe. Enfin, c'est quelqu'un qui peut faire du très gros budget comme du très petit. C'est quelqu'un qui expérimente beaucoup sur les formats. Donc ça le rend un peu inclassable et puis ça rend compliqué de lui mettre une étiquette sur le dos. Évidemment, tout le monde a vu la série des Ocean, 11, 12, 13, et tout le monde le connaît pour ça. Mais il a aussi fait des tout petits films dont personne n'a peut-être entendu parler, en dehors des cinéphiles qui ouais. s'attardent vraiment sur son œuvre. J'aurais tendance à dire tout le monde le connaît pour ça. Enfin, tout le monde connaît ces films-là, mais justement, ne connaissent pas forcément que c'est Steven Soderbergh oui. qui a fait Oceans. Mm. Donc voilà, pour faire rapidement... la filmo de Soderbergh, donc voilà, sexe, mensonge et vidéo, qui, a priori, en fait, je ne pensais pas, mais ça doit être son premier long métrage. C'est son premier, ouais, je crois. Ouais. Et voilà, je vais vous donner quelques titres de films qui vont forcément vous dire quelque chose, que vous avez probablement vu aussi. Il y avait Erin Brockovich en 2000 avec Julia Roberts, qui est quand même assez culte. Il ouais. Y avait Trafic aussi, avec Benicio del Toro, sur le trafic de drogue, etc. Ensuite, la saga des Oceans, hein, il a réalisé tous les épisodes, ce qui est assez rare dans une franchise, comme ça. Ouais. Il avait fait Diptyque, je crois qu'on dit, sur Che Guevara avec Benicio del Toro. Oui, toujours. Oui. Qui avait été un des premiers films américains tournés intégralement, je crois, en RED. En RED, ouais, c'est ouais, ça. C'est ça. Caméra RED, là, c'est des caméras numériques, si vous ne ouais. connaissez pas. Ouais. Et c'était la RED One, du coup. Et puis, plus récemment, il a fait un film dont on a pas mal reparlé récemment, puisqu'il s'appelle Contagion. Oui, c'était le grand hit des plateformes de streaming de l'année dernière. Ouais, hein, c'est revenu, enfin, de cette année même. Revenu en force, tout le monde a rematé Contagion. Du Corona. Voilà. Puis sinon, vous allez voir à quel point c'est vraiment... Il y a de tout dans sa filmo. Il y a Magic Mike qui peut évoquer tout et n'importe quoi. Vous avez, enfin, nous, personnellement, on est vraiment très friands de ce film. Et en même temps, c'est tellement le genre de film pour les gens qui sont pas forcément, qui côtoient pas le milieu cinéphile. Ça peut être un film vu comme un film de filles, aller voir entre copines sur des stripteaseurs. C'est ouais. vraiment... Il y a tout à... Chacun peut prendre ce qu'il veut dans le cinéma de Soderbergh. Ouais. Alors que oui, c'est vraiment un très beau film. C'est vraiment un très beau film sur, je trouve que sur un sujet ou en tout cas un type de personnage que j'ai l'impression que Soderbergh creuse, pas de manière permanente, mais de manière ponctuelle de film en film, sur des personnages qui, comment dire, vont s'en sortir à la force de leur intelligence et surtout à la force de, comment dire, de leur esprit malin presque. Par exemple, c'est le cas d'Erin Brockovich qui n'a pas les compétences pour mener, par exemple, dans le film qui lui est dédié, un procès de cette envergure, mais parce qu'elle a du bon sens et de l'intelligence, va réussir à aller jusqu'au bout. Magic Mike, c'est un petit peu pareil, c'est le parcours d'un personnage qui réussit par son intelligence dans son milieu, qui est celui du Chip and Dale, comme on dit en France, du stripteaseur masculin, quoi. Et il y avait aussi ce film avec cet acteur qu'on aime bien voir faire des pauses entre deux films de son rôle titulaire, Daniel Craig, Logan Lucky, qui pour moi était aussi un très très beau film là-dessus, sur, à un moment donné, comment le fait d'être plus malin que les autres va permettre de s'en sortir. Et maintenant que j'en parle, en fait, je me rends compte que c'est aussi ça qui est au cœur de la série des Oceans. Les Oceans, c'est ça, en fait. C'est des films sur un groupe de gens qui vont réussir leur coup parce qu'ils sont malins. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est Soderbergh, et que je trouve qui est très intéressant à voir dans son cinéma. Ouais. Le parallèle entre... J'avais même pas pensé en le voyant, mais en écoutant une émission radio, je me suis rendu compte à quel point il y avait un parallèle entre Logan Lucky et Oceans, eh oui. mais traité de manière très différente, avec des ouais. personnages différents, mais qui ont quand même une certaine intelligence pour, c'est ça. Pour réussir leur coup. Une intelligence pratique, simple, et ouais. une sorte c'est de bon ça. Sens qui va leur permettre de réussir. Et donc, revenons à ce film ouais, dont on va parler, Girlfriend Experience. Ouais. Donc, c'est un film de 2009, c'est ça ? 2009, et du coup, ouais, de mémoire, je crois que Soderbergh a dû croiser la route de Sacha Grey et a eu, en fait, c'est-à-dire qu'il a eu envie de faire un film pour Sacha Grey, pour et avec Sacha Grey, tout comme il l'a fait quelques années plus tard avec Gina Carano, qui était une star du catch, je crois, ouais. Dans un film qui s'appelait Piégé, en anglais Haywire. C'était vraiment l'envie de faire un film avec elle, donc c'est le point de départ du film, c'est faire un film avec telle actrice, enfin telle femme, quoi, tout simplement. Donc, Girlfriend Experience, ouais, 2009, un film... Alors, ouais, qu'est-ce que t'en avais pensé, toi, la première fois que tu l'as vu ? Parce que moi, je l'ai vu quand il est sorti et je l'ai revu là et c'était pas la même chose. Ouais, je sais pas. Je crois que la première fois que je l'ai vu, j'ai dû le voir à l'époque où il est sorti à peu près, pas au cinéma, mais je sais même pas s'il est sorti en France au cinéma. Mais je crois que la plupart des films de Soderbergh sortent, à part les trois derniers qui sont sortis directement sur des plateformes. Ouais, mais, Netflix, ouais. Pas tous, je crois, mais j'ai un doute. Ah bah non, il a fait HBO Max. Il a fait HBO Max, ouais. Mais ouais, enfin, ça, moi j'aimais déjà beaucoup Soderbergh et tout, et puis j'étais très curieux de voir ce qu'il avait fait avec Sacha Grey, mais je dois avouer que j'étais pas non plus rentré dedans autant que dans la série qui n'est pas réalisée par Soderbergh, curieusement, mais en tout cas, ouais, non, mais il y avait clairement quelque chose, c'était hyper intéressant, c'est quasiment du cinéma expérimental, hein, d'ailleurs le film The Girlfriend Experience, il porte bien son nom, c'est une expérience, quoi, pour le spectateur, hein, donc... Ah oui, d'ailleurs, il faut peut-être qu'on dise ce que c'est que cette fameuse girlfriend experience, à quoi ça correspond. En fait, si j'ai bien compris, la girlfriend experience, c'est une sorte de prestation haut de gamme dans le domaine de la prostitution où, à un moment donné, une femme va être payée pour agir comme si elle était le temps d'un rendez-vous, en fait, la compagne de l'homme pour lequel elle se prostitue. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la simple prestation tarifée pour le sexe. On est vraiment dans une expérience d'intimité, ouais, dans un rapport personnel, dans quelque chose où on exige de cette femme, en fait, qui fait ça, d'avoir de la conversation, d'avoir de la personnalité, de se plier à ce que l'homme attend d'elle, mais sans qu'il ait à le dire. Donc il y a quelque chose de très... psychologique, en fait, dans cette manière de se prostituer. Et physique et psychologique. C'est ça. Et c'est ce qu'on... Enfin, je crois que c'est ce qu'on appellerait les escortes. Et là, en l'occurrence, des escortes de luxe. Hein. Si vous voulez vous investir dans une relation comme ça, faire penser à un homme que vous êtes presque sa copine, quoi. C'est forcément des femmes qui ont très peu de clients, 3-4 clients grand max, et qui les voient régulièrement. Voilà, quoi. C'est ça. Et du coup, moi, c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce film, pareil, j'avais été un peu désarçonné. Et je me demande si, avec la distance, là, en l'ayant revu, c'est peut-être parce que, tout simplement, le film arrivait trop à chaud. Parce que le film parle beaucoup de la crise économique de 2008, de la crise des subprimes. On voit notamment le personnage joué par Sacha Grey et le personnage de son petit ami aussi, parce qu'il faut le dire, dans le film, elle a un compagnon qui l'appuie dans cette voie jusqu'à un certain point, mais là, on ne va pas trop vous en dire. Et on voit à la fois les clients et à la fois le personnage de Sacha Grey tous être impactés par cette crise économique. Et peut-être qu'en 2009, je ne sais pas, c'était trop tôt et ça me paraissait trop proche. Et là, en ayant une dizaine d'années de distance, je trouve que c'est... Que justement, en fait, finalement, c'est un film qui montre très bien quelque chose de cette époque. Enfin bon, après, moi, en 2008, j'étais pas à New York avec des traders de Goldman Sachs, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est très bien montré d'un monde qui tremble, le monde de la haute finance, d'un monde qui a peur que les choses s'écroulent, et ça, on le sent bien. Et on sent bien qu'en fait, c'est à l'échelle de toute la société. On sent bien que, ouais, en fait, pour moi, ce film, il montre de manière assez juste un sentiment que tout le monde a peut-être eu en 2008, que les choses étaient sur le point de se casser la gueule et qu'on ne savait pas forcément où ça s'arrêterait et que tout pouvait un petit peu être mis en cause, et ce qui a donné après lieu à des mouvements comme Occupy Wall Street, tout ça. Donc, ouais, de ce point de vue-là, je trouve assez intéressant ce film, et puis tout simplement, en fait, c'est aussi, là, en le revoyant, je me rends compte, un film qui montre que Soderbergh fait partie, je trouve, de ces cinéastes qui pensent le monde et qui font des films qui sont ancrés dans le monde et dans l'histoire contemporaine du monde, et finalement, c'est assez rare. Quelqu'un comme Christopher Nolan fait du spectacle, mais finalement, bon, c'est pas quelqu'un qui va parler du monde dans lequel on vit de manière très directe. Soderbergh, je trouve que ça se voit dans son cinéma. En fait, c'est quelqu'un qui pense ce qui se passe dans le monde et qui fait des films avec. Par exemple, je ne sais pas si toi, tu avais vu le film qu'il avait fait pour Netflix avec Gary Oldman et Benicio Del Toro en narrateur là, sur les Panama Papers. Est-ce que tu l'avais vu, ce film, Jean? Ouais, je l'avais vu. Ouais. On est d'accord que là, aucun souvenir, ouais, mais... pour le coup, c'était très raté. Mais voilà, je trouve que en fait, on le voit dans l'œuvre de Soderbergh, c'est quelqu'un qui a les deux pieds et la tête dans le monde dans lequel il vit et qui met tout ça dans son cinéma. Et c'est, enfin, j'avais envie de le souligner parce que je trouve que c'est quand même assez rare. Et tout en faisant quand même un cinéma de spectacle ou de fiction, quoi. Bah, pour certains films, pour d'autres moins, mais ouais, enfin, moi j'ai toujours l'impression que. On dit toujours que Soderbergh, c'est un petit génie. Enfin, quand il a eu sa palme très jeune, c'est un petit génie, mais c'est vraiment ce qui dégage, quoi. On dirait vraiment un limite. Il a un côté presque autiste, quoi. Il a l'air d'avoir tellement d'avance, tellement de choses dans sa tête. Il enchaîne déjà énormément les films, très, très rapidement, c'est impressionnant. Il peut en faire deux dans la même année, limite. Il s'intéresse à la fois à la technique et à l'artistique, enfin, il est, parce que Soderbergh, on parlait de la RED, la caméra RED qu'il a utilisée pour Che, qu'il a utilisée d'ailleurs pour Girlfriend, qui était juste après le diptyque Che. Mmh. Et Soderbergh, par exemple, c'est un mec carrément que RED, la boîte RED. Ah oui, il lui a fait une caméra, je crois. Elle lui fait des caméras et surtout, ouais. quand il crée des nouvelles caméras, des prototypes, j'avais vu une vidéo sur internet, ils appellent Soderbergh pour qu'il vienne tester le truc et pour qu'il dise, il donne son avis sur le truc pour dire ah, ça c'est pas pratique du tout, genre que ça soit la poignée ou un détail technique, un bouton qui est mal placé, ou que ça soit l'optique, etc. C'est vraiment un mec qui est passionné par tout, j'ai l'impression, et voilà, vous vous retrouvez à la fois dans un truc purement technique et en même temps dans un mec qui va vous parler de, enfin, les dialogues sont jamais très simples dans ces, enfin voilà, vous avez Girlfriend Experience, ça parle de la crise de 2008 et enfin voilà, on a l'impression des fois de passer à côté de plein de choses dans les dialogues alors qu'on est avec une escorte, mais elle aussi, elle s'intéresse au truc, elle a des clients qui lui donnent des conseils sur certains trucs à faire au niveau économique. Enfin bref, c'est assez hallucinant ce qu'il fait et même quand il fait un gros film comme Oceans, c'est tout aussi passionnant en fait, il y a plein de choses. Et je pense que, ouais, comme on disait, là, comme Clément le disait, en le revoyant 10 ans après, ça ne fait pas le même effet. Bah, je me dis, si ça se trouve, son film là, sur les Panama Papers, dans 5-6 ans, en le revoyant, on se dira, ah, mais en fait, il était juste en avance, quoi. Il a juste un train d'avance sur tout le monde. Ouais, ouais. Il fait peut-être, en fait, immédiatement le film qu'on s'attend à voir 5 ou 10 ans après, à chaque fois. Enfin, on verra comment on se dit. Le film sur les Panama Papers. Mais justement, par rapport à ce côté touche-à-tout de Steven Soderbergh, je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et dont tu me parlais tout à l'heure avant qu'on lance l'enregistrement, Jean. C'est le fait que Soderbergh n'est pas que réalisateur de ses films. Je crois qu'il fait aussi l'image, le montage, notamment. Enfin, ouais. Ouais, bah, en gros, la plupart du temps, peut-être qu'il y a des exceptions, hein, mais en fait, si vous regardez un générique d'un film de Soderbergh, vous aurez directeur Steven Soderbergh et après chef opérateur, cinématographeur en anglais, ça sera Peter Andrews, qui est en fait un alias de Steven Soderbergh, donc c'est lui qui fait la photo de ses films. Et vous aurez aussi très souvent un alias au montage féminin, Marianne Bernard, et c'est toujours Soderbergh qui s'occupe du montage, donc voilà, le mec est sur tous les plans. C'est un homme orchestre. Je crois qu'il a comme si c'était, oui, c'est comme si c'était trois personnes en vrai. C'est ça. Je ne sais pas comment il trouve le temps et le cerveau, l'énergie pour pondre tout ça, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il écrive ses scénarios lui-même, j'ai un doute, hein, mais ça ne m'étonnerait pas. Girlfriend Experience, je crois que c'était deux scénaristes, mais après, le connaissant, je pense qu'il a dû mettre la main à la pâte aussi. Ouais. Peut-être qu'on a fait le tour ou pas du film, qu'on va attaquer le gros morceau de Girlfriend Experience en parlant de la série. Bah, juste pour finir sur le film, sur des trucs qui me passionnent à chaque fois chez Soderbergh, j'ai toujours remarqué que même dans un film comme un Oceans, il y a tout, quand c'est un gros film comme ça, enfin un film plus grand public, on va dire, grand spectacle, il arrive toujours quand même à caser, j'ai remarqué, un plan un peu bizarre, un peu clairement expérimental que j'ai jamais vu ailleurs. Je me souviens, dans les Oceans, c'est juste une façon de filmer un avion qui passe au-dessus du ciel. La caméra, au lieu d'être droite, elle est sur le côté. Enfin bref, ça crée un effet un peu particulier. Dans Magic Mike, c'est juste une façon de filmer un moment, un plan, une caméra qui est attachée à l'arrière d'une voiture et juste le cadre est un peu étrange. Et là, Girlfriend, c'est l'occasion pour lui de carrément pousser à fond ce truc-là, de filmer de façon un peu particulière, avec des objets qui sont dans le premier plan, qui cachent un peu les visages des acteurs sur certaines scènes, etc. Ou alors avec la musique, de faire... Là, en le revoyant, je me suis dit, c'est marrant, il fait une musique qui a l'air extra-digétique et qui ne l'est pas, en fait. C'est-à-dire une musique qui... Extra-digétique, ça veut, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire une musique qui est rajoutée après, quoi, qui n'est pas dans le plan au moment où on filme. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est de la musique qu'il a enregistrée de musiciens dans la rue, etc. C'est marrant, ça m'a fait penser à la vie d'Adèle où il y avait ce truc-là aussi avec le mec et son instrument. Oui, qui... oui. Mais du coup, chez Kechiche, ça paraît... Je me suis dit, c'est assez génial, mais Soderbergh, finalement, il l'a peut-être fait un peu avant. Et peut-être que Kechiche aime Soderbergh, hein, ça ne m'étonnerait pas. Hein. On lui demandera peut-être un jour. Mais voilà, donc le film est déjà un premier moyen de s'immerger déjà dans le cinéma de Soderbergh, dans un certain cinéma de Soderbergh, et puis ensuite, c'est bien de le voir avant la série pour voir ce qu'ils ont pu en faire en série, parce que... Bah oui. Parce que c'est devenu quand même assez courant, l'adaptation de films en série. Oui. Donc c'est assez récent. Hein. Avant, on en faisait sûrement un peu, mais pas autant. Hein. J'ai l'impression que là, il y a quand même une volonté de certains studios d'adapter des films. Là, ce n'est pas un film très connu, mais souvent des films cultes comme Fargo, Watchmen. Il y a plein d'exemples. Là, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Mais... Ouais. Et puis surtout... C'est le moment aussi, je pense, peut-être de parler justement de ce qu'on entend par adaptation, parce que là, en gros, cette adaptation sous forme de série dont on va parler, donc elle n'est pas réalisée par Soderbergh, on en parlera, mais en gros, c'est une adaptation qui reprend le concept du film, c'est-à-dire une jeune femme qui va se retrouver à faire ça, à faire ce travail-là. Mais pour autant, ils n'ont pas repris l'intrigue. Je crois que le personnage a le même prénom dans le film et dans la première saison, mais elle n'est pas le même personnage, elle n'a pas le même caractère, elle n'a pas la même vie. Donc on est vraiment sur une création originale à la base, basée sur un film qui a donné l'idée de cette série. D'ailleurs, je crois qu'au générique de la série, je crois que le film est crédité sous une forme assez particulière. Je crois que c'est Suggested by The Girlfriend Experience de Steven Soderbergh, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas, mais c'est possible. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça. Soderbergh est quand même présent sur la série en tant que producteur exécutif. Producteur exécutif, ouais. Et donc, cette série, elle date de 2016, donc 7 ans après. Et alors, on ne peut pas parler de la série dans son ensemble. Il faut vraiment en parler, comme je le disais, en termes de saisons, parce que les saisons n'ont en fait pas grand-chose à voir les unes avec les autres. On expliquera un petit peu quels sont les liens entre les différentes saisons. Mais en tout cas, on va commencer donc par la saison 1, qui a été co-dirigée par deux cinéastes, un homme et une femme, Lodge Kerrigan et Amy Semetz, deux cinéastes américains. Et Amy Semetz, je me rends compte qu'on voit dans la série, étant donné qu'elle joue le personnage de Jacqueline. Ah ouais. Et oui. Comme je l'ai vu il y a longtemps, je ne la connaissais pas encore beaucoup. C'est Amy Semetz, ouais. Okay. Ouais. Ce qui est assez curieux quand même, parce que, petite anecdote, donc Jacqueline, dans la série, est en quelque sorte la mère maquerel des prostituées de luxe new-yorkaises. Donc, je trouve ça toujours intéressant quand, à un moment donné, les cinéastes qui sont quand même à une position de pouvoir se donnent des rôles de personnages de pouvoir dans leur fiction. Enfin bref, avant de commencer, peut-être que c'est bien de faire un petit point aussi sur qui sont Lodge Kerrigan et Amy Semetz pour nos auditeurs. Ouais, Bah alors, on commence toujours par les femmes, Amy Simons. Ouais. Amy Simons, c'est, j'essaie d'être bref, c'est une femme qui a commencé par produire et jouer dans des films, et tout ça dans le cinéma très indépendant américain, très relié d'ailleurs au mumblecore dont on vous a déjà parlé au premier épisode, je crois. Ouais. Donc cinéma plutôt new-yorkais. Cinéma plutôt new-yorkais, très indépendant, très fauché. Elle a participé à la production du premier film de Barry Jenkins, par exemple, qui est le réalisateur de Moonlight, hein, qui a eu l'Oscar du meilleur film, et qui avait commencé justement dans le cinéma très indépendant, hein, qui avait arrêté pendant longtemps. Il était devenu ébéniste, puis finalement il s'est remis à la réalisation pour avoir un Oscar. Plutôt bon choix de carrière. Mais on l'a un peu poussé à revenir au cinéma. Mais voilà. Et Amy Simons, elle a été dans les films de Joe Swanberg, qui est un réalisateur, un des plus gros réalisateurs du mumblecore. Elle a été aussi, comme le mumblecore est relié vachement à l'horreur aussi, l'horreur indépendante aux États-Unis, elle a été dans des films d'horreur. De réalisateurs dont on entend parler maintenant, Adam Wingard par exemple. Et elle a commencé par réaliser un premier film que j'ai pas eu le temps de voir encore, Sun Don't Shine, mais qui a l'air très expérimental, très particulier quand même. Et elle a réalisé un deuxième film l'année dernière qui s'appelle She Dies Tomorrow. Une actrice qu'on voit dans la saison 1 de Girlfriend Experience. Kate Winchell, il y a vraiment toute une... Qui est une groupe d'acteurs qu'on a pu voir dans le mumblecore, qu'on retrouve ici et qui sont très associés à Amy Simons, enfin Kate Winchell et il y en a d'autres. Kate Winchell qui est un peu une égérie du cinéma ultra indépendant américain, j'ai l'impression. On va pas faire sa filmographie ici maintenant, mais on en reparlera peut-être. C'est des actrices qu'on adore, mais qui sont pas encore vraiment trop connues. Mais pour vous donner des exemples, il y a des actrices du mumblecore qui ont réussi à percer dans un cinéma, disons, qui est plus présent sur les écrans, comme Greta Gerwig. Oui, elle vient de là. C'est la plus connue. Elle vient de là. Ouais. Elle a justement co-réalisé un film avec Joe Swanberg. Son vrai premier film en tant que réalisatrice, c'était pas... je sais plus comment il s'appelait ce film. Frances A. Lady Bird, non Princess America. Alors, je sais jamais. Je crois que c'est... Enfin, bref. Lady Bird, je crois. Mais il y avait un autre film avant. Non, après elle a fait le truc des quatre sœurs. Ouais, mais elle a fait quelque chose avant Lady Bird, non ? Non. Ah, je croyais. Mais son vrai premier film, du coup, c'était avec Joe Swanberg. Ah, voilà, oui, c'est ça. Qui s'appelait Nights and Weekends. Ça, c'est son vrai premier crédit de réalisation, co-réalisation. Du coup. Ok. Mais voilà, Greta Gerwig, c'est une des actrices qui a percé, donc on espère qu'il y en aura d'autres qu'on verra un peu plus sur les écrans. Bah, après, si elle reste dans le cinéma indépendant, ça nous fait plaisir aussi. Hein, parce que voilà. Mais donc voilà pour Amy Simons, c'est Lodge Kagan, pour la faire rapide, c'est un réalisateur new-yorkais indépendant, mais avec des films bien produits, quoi. Enfin voilà, c'est pas du petit budget fait avec les copains, quoi. C'est très peu de films, Lodge Kagan, que je retrouve. Je crois qu'il a fait 4 films, hein, en gros. Keen, par exemple. Claire Dolan. Qui était il y a quelques mois sur Arte, qui était déjà sur une histoire de prostitution, d'ailleurs. Ouais. Et qui a surtout commencé avec un film assez passionnant, très expérimental aussi, qui s'appelle Clean Shaven, qui date de 93, je crois. Ouais, 93. Film assez incroyable sur un schizophrénique qui... Je ne sais plus s'il sort de prison au début, mais enfin bref, on suit sa vie de façon très proche, la caméra collée à lui, et avec un peu sa schizophrénie qui se répercute dans les plans, dans la façon de filmer, avec un acteur, Peter Green, qui un an plus tard faisait Pulp Fiction. Je pense que Tarantino avait bien aimé Clean Shaven et l'avait pris. Je crois que c'est même totalement vrai d'ailleurs. Okay. Mais voilà. Donc voilà, c'est un cas particulier, ça on aime beaucoup, c'est encore rare, mais ça commence à se faire de plus en plus. C'est ces séries qui sont réalisées dans l'idéal par un seul réalisateur qui fait l'intégrale de la saison, et ça permet de vraiment se rapprocher clairement du cinéma. Il y a vraiment une patte, il n'y a pas une question de bible, de premier épisode fait par quelqu'un et ensuite les autres essaient de faire à peu près pareil. Là, c'est vraiment une vision d'un réalisateur associé à un créateur de la série. Là, on a deux, ils sont deux. Mais c'est tout aussi passionnant parce qu'il joue vraiment de ça. Hein. C'est pas... Il y a clairement quelque chose qui se fait. Il réalise un épisode, c'est le premier Amy Simons, ensuite Lodge Kagan, ensuite Amy Simons, je crois. C'est ouais, alterné. Je suis pas exactement sûr qu'il y ait une vraie alternance. Je me demande si c'est pas un truc simplement de générique. Parce que je sais que... Enfin, c'est souvent comme ça sur les séries en France comme aux États-Unis. Les réalisateurs peuvent se répartir les séquences et après ce qui finit au générique est un peu plus arbitraire. Mais en tout cas, oui, c'est clairement un effort commun et c'est clairement eux qui ont la main sur tous les épisodes de cette saison. Et détrompe-moi, mais est-ce que c'était pas Soderbergh qui réalisait The Nick avec Clive Owen? Qui était une série qui avait été faite pour une chaîne à péage américaine qui n'existe plus, je crois, enfin en tout cas qui a été absorbée Cinemax. Par HBO, oui, Cinemax. Ouais, si c'était Soderbergh. C'était Soderbergh. Ouais. Ça c'était The Nick, c'était vraiment mais génial. Enfin, on aurait dû en parler d'ailleurs quand on a parlé de Soderbergh, mais on The en parle Nick, maintenant. The Nick, si jamais ça vous intéresse, c'est K-N-I-C-K. C'est ça, voilà. C'est ça. Et c'est le nom d'un hôpital new-yorkais, The Knickerbocker, dans lequel on suit donc un médecin interprété par Clive Owen qui découvre en fait le concept d'addiction par sa propre addiction à la cocaïne liquide qui à l'époque est utilisée en médecine pour... Oui, parce que ça se passe... À la fin du 19e. Fin du 19e, oui. Fin 19e, oui, c'est ça. Ouais, très très intéressant. Et donc voilà, on est face à ce genre de série, une série d'auteurs, on pourrait dire. Et donc, puisqu'on a parlé des personnes qui sont à la tête, parlons de celle qui est en tête d'affiche. Parlons de cette actrice dont je ne sais jamais malheureusement prononcer le nom, mais il va falloir s'y mettre. Riley Keough. Riley Keough. Moi, je dis Riley Keough. Keough, ah oui, Keough, c'est pas mal. Alors, c'est qui Riley Keough? Tu présentes très bien les gens, Jean. Ah non, je te laisse présenter Riley parce que. Bah alors Riley, c'est une lointaine descendante d'un grand chanteur acteur qui s'appelait Elvis Presley. Et donc c'est une actrice qu'avec Jean, je crois, enfin tu me détromperas, mais qu'on a découverte justement en regardant cette série, Girlfriend Experience. Et autant le dire tout de suite en fait, parce que bon, on va pas refaire le pitch, étant donné que le pitch est quasiment le même que celui du film. En fait, cette série, elle tient notamment à la qualité de la mise en scène, à ce que réussissent à instaurer comme ambiance Lodge Kerrigan et Amy Simons, mais aussi et surtout à la qualité de la performance de Riley Keough, je vais jamais y arriver, qui est tout simplement hallucinante. C'est une actrice que depuis vous avez peut-être pu voir dans des films, en tout cas dans des films ou des séries qui ont reçu un plus grand écho en France. Par exemple, je sais qu'elle était dans American Honey d'Andrea Arnold avec Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Lui aussi qui a un nom. Riley Keough et Shia LaBeouf. Riley Keough et Shia LaBeouf. Et voilà, elle jouait là-dedans notamment. Elle jouait aussi dans ce film avec Andrew Garfield qui était une sorte de triple. Là, qui était ouais, Under the Silver Lake. Under the Silver Lake, ouais, de David... Robert Mitchell. Robert Mitchell, ouais, voilà. Ouais. Qui a travaillé avec Amy Simons aussi à ses débuts. Bah voilà, tout est lié. Et elle joue aussi, du coup, à partir du moment où vous avez repéré sa tête, si vous l'avez découverte quelque part, dans Girlfriend ou dans autre chose, ouais. Et ben elle jouait avant ça dans Mad Max Fury Road. C'était avant. Une des filles dans le camion. Ouais, c'était une des compagnes du gros dégueulasse. Ouais. Ouais. Et a priori, je regarde sa filmo, elle joue aussi dans Magic Mike. Et elle joue dans Logan Lucky. Donc finalement, elle a pas commencé. Elle a été chez Soderbergh avant même d'être dans la série Girlfriend Experience. Mais ouais. Et elle joue chez Lars von Trier aussi. Ah ouais? Donc... The House That Jack Built. Elle s'appelle Jacqueline. Oui. Mais ça, j'ai pas voulu le regarder, ce film. Et donc, en fait, s'il fallait une seule raison pour regarder cette première saison de Girlfriend Experience, en fait, c'est pour elle. Parce que, Tout simplement, elle arrive à incarner ce personnage de Christine, à moins qu'elle s'appelle Chelsea. Enfin, au final, on s'y perd d'une manière complètement hypnotisante. Moi, en revoyant là ces quelques premiers épisodes qu'on a revus avec toi, Jean, je me suis dit que ce qu'elle proposait, c'était au niveau, si ce n'est supérieur, à ce que proposait Nicole Kidman dans Prêt-à-tout de Gus Van Sant. Cette sorte de froideur insondable. En fait, quand on regarde la série, ce qui est fascinant avec Riley Kouf, c'est qu'on ne sait jamais si son personnage porte un masque ou pas. On ne sait jamais ce qu'il y a derrière le masque, s'il y a des émotions ou s'il y a juste un grand vide. C'est vraiment un mystère permanent et un mystère qu'elle arrive à tenir quand même pendant, je crois, une dizaine d'épisodes, hein, c'est ça ? Une dizaine d'épisodes de 30 minutes, quelque chose comme ça. 13 épisodes de 30 minutes. Et ça va très loin parce que, comme on l'a dit, c'est une série qui parle donc d'une femme qui couche avec des hommes. Certes pour de l'argent, mais voilà, la série nous montre aussi où peut venir se loger le plaisir ou pas là-dedans, à la fois pour les hommes qui la payent et à la fois pour elle. Et elle arrive toujours à entretenir une sorte de doute, c'est-à-dire est-ce que quand on la voit prendre du plaisir, est-ce que c'est pour de vrai, est-ce que c'est pour de faux ? Quand elle parle avec ses clients, quand elle parle avec même n'importe qui, au bout d'un moment, à quel moment est-ce qu'elle dit la vérité ? À quel moment est-ce qu'elle ment ? Est-ce qu'il y a une vérité ou est-ce qu'elle est juste une sorte de boule polymorphe comme ça qui se balade dans le monde et qui dit aux gens simplement ce qu'ils veulent entendre ? Enfin, ce qu'elle propose là, c'est vertigineux, c'est-à-dire... On ne sait jamais ce qu'on lit sur son visage, on doit le prendre pour argent comptant, si ce qui sort de sa bouche, on peut le prendre pour argent comptant. Et finalement, en fait, on est toujours en train de se poser la question. Et en fait, s'il y a une chose qui permet à cette série d'être tendue comme une corde de violon de A à Z, c'est elle, en fait. C'est elle, c'est ce qu'elle propose en termes de jeu. Elle est purement, purement fascinante, en fait. Ouais, c'est l'opposé d'un livre ouvert. C'est ça. C'est à la fois l'actrice, son personnage. Enfin, c'est l'actrice qui fait tout. Hein, mais ouais. Enfin, moi, je me souviens pas. J'ai très peu d'exemples comme ça d'actrices qui m'ont. Enfin, je savais même pas quoi en penser tellement c'était incroyable. On est hypnotisé par elle pendant toute la série, dès le premier épisode, dès les premières minutes. Elle est hallucinante. Ouais. Et c'est d'autant plus rare, je crois, d'être. Enfin, d'avoir une révélation comme ça pour une actrice ou un acteur dans une série plutôt qu'un film. C'est vrai. Et en même temps, le film, la série a ce truc, elle permet de passer beaucoup plus de temps avec le personnage. Donc logiquement, on devrait... Enfin, souvent, on se souvient quand même au final plus... C'est-à-dire, quand on ne connaît pas des acteurs, on peut les avoir vus dans un film et après les avoir complètement oubliés. Alors qu'un acteur que vous avez vu dans une série, même dans un petit rôle, si vous le revoyez dans un film après, vous vous souviendrez de sa tête et vous direz « Ah, je l'ai déjà vu, lui. » Quitte à pas retrouver la série, quitte à pas retrouver d'où, ça sera sûrement une série parce que le fait de les avoir vus pendant tant d'épisodes, bah, on se souvient beaucoup plus, les visages marquent beaucoup plus la mémoire. Je ne sais pas comment tu l'avais regardé, toi, cette première saison, parce que moi je sais que je n'avais pas pu m'arrêter. Je l'avais enchaîné, hein, je crois. Hein. Ouais. Enfin, c'est comme des séries comme Girls qui font 30 minutes. C'est vraiment un format, quand ça fait 30 minutes, 10 épisodes ou 13, c'est quoi ? C'est 5-6 heures de visionnage. Et ouais, cette série-là, c'est dur de décrocher. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai souvenir quand même qu'il y avait une sorte d'urgence, quoi. Je voulais que ça arrive au bout. Parce que je voulais en fait savoir quelque chose d'elle en fait. Enfin, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Il fallait que je sache comment ça se termine, comment elle termine. Il fallait que je perce le mystère, quoi. Et ça, c'est quand même assez rare. Souvent, quand on enchaîne des séries, c'est parce qu'on a le temps et parce que ça s'enchaîne facilement. Là, c'est vrai que moi, Girlfriend Experience, il y avait une sorte de charme magnétique, quoi. Enfin, il fallait que j'aille jusqu'au bout, quoi. Mais c'est une sorte de créature là qui se balade dans des environnements très cliniques. C'est à la fois un mélange d'appartements de ultra design, froid, à New York, dans des tours, et puis à côté de ça c'est des bureaux, parce que on n'a pas précisé, mais elle n'est pas que escorte, ouais. Elle est aussi étudiante en droit. Et elle en est à un stade où elle cherche je sais pas si c'est des stages ou je sais pas quoi dans. Ouais, c'est ça, ouais, elle fait un stage dans en parallèle de grosses boîtes tout ça, de ouais. droit, parce qu'elle a l'air d'être très très talentueuse en droit, je pense, et elle se retrouve dans des bureaux. Mais même ça, au final, on avec on des personnages ouais. qui sont tout aussi flippants que peuvent l'être ses clients. Mais c'est ça, ça dépend, en fait. On se rend compte que le monde que nous propose cette première saison de Girlfriend Experience est un monde dans lequel il n'y a que des rapports de pouvoir partout. C'est-à-dire autant dans sa vie d'étudiante que dans sa vie de prostituée. Et avec sa coloc, c'est toujours assez particulier, quoi. Ouais, et c'est ça, en fait. Enfin, pour moi, ça m'a presque rappelé en un sens aussi... un livre qui avait été un de mes livres de chevet quand j'étais jeune, qui était American Psycho, comme ça, de Bret Easton Ellis, qui montrait ce tout petit monde des... ce qu'ils appellent les yuppies, ces traders new-yorkais, ces gens qui travaillent dans la finance, dans la banque, qui sont tous, déshumanisés par cette course à l'apparence et à l'image. Qui deviennent en fait des sortes de coquilles vides. Pour moi, il y a presque quelque chose de la filiation de ça, sauf que là, on a l'impression que c'est plus un monde tout petit et d'entre soi, mais que c'est au contraire, c'est devenu le quotidien presque de n'importe quelle étudiante qui chercherait à faire son chemin dans la vie, quoi, de jouer le jeu d'un système qui attend de nous qu'on soit quasiment des robots ou des machines. Enfin, c'est toujours chiant de parler d'une série qu'on a beaucoup aimée, mais vraiment beaucoup, parce qu'on se retrouve toujours à avoir l'impression de dire plus de merde que la matière, quoi. Mais en tout cas, ouais. Cette série, ça a vraiment été quelque chose. Et voilà, je ne sais pas si toi, tu voulais ajouter quelque chose, Jean, peut-être ou... Non, mais on peut peut-être parler, mais rapidement, des saisons suivantes. Oui, parlons des saisons suivantes. Bah alors, la saison 2, pour ceux qui voudraient aller plus loin, donc sachez qu'elle est construite complètement différemment, c'est-à-dire que, pour le coup, sur la saison 2, il y a deux histoires, une qui est réalisée par Lodge Kerrigan, seul, et une qui est réalisée par Amy Semetz, seul. Alors, tu nous diras ce que t'en penses, Jean. Pour moi, toute la partie réalisée par Lodge Kerrigan, elle est complètement dispensable, étant donné qu'en fait, c'est une ressucée de la saison 1, mais sans l'actrice, en fait, donc ça ne suffit pas à tenir la chose. En revanche, la partie de la saison 2 qui a été réalisée par Amy Semetz, je ne l'ai pas revue, mais je sais que j'y suis allé avec plus de... Comment dire, je suis allé au bout de la partie réalisée par Amy Semetz pour la saison 2. Je pense que ça tient notamment à la performance de Carmen Ejogo, qui n'est absolument pas aussi fascinante que Riley Kouf, mais qui quand même livre quelque chose d'intéressant. Et en ce qui concerne la saison 3, en fait, c'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui de Girlfriend Experience, c'est que la saison 3 vient de commencer aux États-Unis. Et alors là, je pense qu'on va être d'accord avec Jean, on va vous dire que ça n'est même pas la peine d'y aller, en fait. Parce qu'en fait, ils sont tombés dans... Alors, tu vas me dire ce que t'en penses. Pour moi, ils sont tombés dans cet écueil dans lequel tombent beaucoup de séries actuellement, de vouloir être dans l'air du temps et du coup, en fait, de parler des GAFA, de l'intelligence artificielle, du monde 2.0, etc., etc. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans la dernière saison de Westworld, où ils sortaient du parc et ils se mettaient à parler d'intelligence artificielle et patati et patata, et des réseaux et ce qu'ils font avec notre data et patati et patata. Et là, en fait, la saison 3 de Girlfriend Experience, qui avait connu un gros hiatus et qui revient seulement cette année, s'est mis en tête. Voilà, ils se sont mis en tête de partir là-dessus. Et pour moi, en fait, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ouais. Puis, comme on parlait de Riley Keough, là, l'actrice qu'ils ont choisie, malheureusement, pour nous, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais alors, vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème au niveau du choix du casting. Ouais. Pour cette saison 3, ouais. Est-ce un hasard ou non, ce ne sont plus Lodge Kerrigan et Amy Semetz qui réalisent, mais une nouvelle réalisatrice qui avait fait un seul long métrage. Alors, je pense pas que ce soit de sa faute. Hein. Je pense pas qu'il y ait un problème au niveau de la réalisation. Hein. C'est plus le scénario et l'actrice qui ont plombé complètement les espoirs clairement. Qu'on avait. Mais voilà. Pour terminer, juste, je préciserai que dans la saison 2, il y a un petit rôle. On le voit souvent, je crois, de Harmony Korine, voilà, pour ceux qui connaissent. Ah mais oui, qui joue un client de Carmen et Jogo. Qui a un gros rôle, je crois. Ouais, quand même, ouais, c'est un rôle important et ouais. assez particulier. Ouais, qui est pas mauvais acteur dans mon souvenir. Ok, bon, et ben c'était tout pour Girlfriend Experience. Je pense que vu que c'était un gros morceau, peut-être qu'on fait notre petite pause musicale maintenant avant d'attaquer la suite de Streambreakers. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous as dégoté, Jean ? Alors, c'est une musique, comme on a parlé beaucoup de Soderbergh et que tout Girlfriend Experience vient de Soderbergh. Ouais. On a choisi une musique d'un de ses films qui s'appelait Effet secondaire. Et voilà, c'est une musique, une petite mélodie entêtante qui nous a plutôt marqué. C'est une musique de qui ? C'est une musique de Thomas Newman. C'est ça. Voilà, grand compositeur qui a travaillé avec les frères Cohen, notamment. Eh bien, allons-y pour ce petit extrait de la BO de Side Effects par Thomas Newman. Autant pour moi, Thomas Newman n'a pas du tout collaboré avec les frères Cohen. C'est plutôt avec Sam Mendes et notamment American Beauty. Ah, d'accord. Et cette musique de Thomas Newman, envoûtante, mystérieuse, me fait pencher dans une certaine direction pour la suite, me donne envie d'aller du côté du Maine, du côté de chez Stephen King, pour parler de la dernière adaptation en date de son œuvre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parlons peut-être de Lizzie's Story. Allez. Donc Lizzie's Story, 2000... Ah, oulala. On n'a pas dit, pardon, à nos auditeurs, où est-ce qu'ils pouvaient voir The Girlfriend Experience, le film et la série. Et alors, où est-ce qu'ils peuvent voir le film ? A priori, le film est dispo en location sur Apple TV et YouTube. Ok. En tout cas en France. Et la série, vous pourrez trouver les 3 saisons sur Canal+ et OCS. Ah. Et il y a la première saison qui est sur Amazon Prime aussi. Ah bah parfait, parfait. Donc revenons-en à Lizzie's Story, l'histoire de Lizzie. Donc c'est une adaptation qui date de cette année, qui a été commandée à Pablo Larraín par Apple TV+. Et donc c'est une adaptation de Stephen King. Alors, comme il y en a eu tant, hein, peut-être qu'on peut faire un petit point très rapide sur les adaptations emblématiques de l'œuvre de Stephen King. On terminera la liste demain. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais en gros, bon, pour celles qui ont été marquantes ou qui nous ont marquées, commençons par le cinéma. Il y a eu Carrie, voilà, la toute première adaptation. Ouais, de Brian De Palma. Voilà. C'est ça, en 1976, Carrie au bal du diable de Brian De Palma, qui est la première adaptation au cinéma d'un livre de Stephen King. Ça commence bien. Ça commence bien, et ensuite ça continue très très bien, parce qu'on voit qu'en 1980, c'était Shining, hein, de Stanley Kubrick. Voilà. Qui n'a pas trop aimé d'ailleurs. Non, qui a été complètement désavoué et refait en série télé après par... Pourtant, les mêmes initiales, SK, Stephen King, Stanley Kubrick, mais bon. Ça ne suffisait pas. C'est comme toujours avec le choc des titans, il y a des coups de poing. Ensuite, en 1983, Dead Zone de David Cronenberg, si je ne m'abuse, avec Martin Sheen, non Christopher Walken. Ouais, d'accord. Je crois pas qu'il y ait Martin Sheen. Ben je en pense... tout cas, le rôle principal, c'est Christopher Walken. Ouais, mais je pense que le mec qui se dit peut-être. Qu'il faut tuer, c'est Martin Sheen. Je l'ai vu il y a trop longtemps, mais non, je crois pas. Ok. On verra. Je crois que c'est un acteur de chez David Lynch, mais j'ai un doute. Ok. Et la même année, en tout cas, en 1983, il y a, on y revient, Christine de John Carpenter. Plutôt bon réalisateur, hein, quand même. Ouais, plutôt bon réalisateur. Ensuite, il y a Stand By Me, qui a quand même aussi eu son petit succès. Misery, hein, Kathy Bates. On en entend souvent parler quand on parle de Stephen King et des adaptations. Mais également ce film qui a tenu la première place du top 250 IMDb pendant très très longtemps, ce top dont on vous parlait. Ah, ça y est, toujours ? Oui, je crois. Je croyais qu'il se faisait détrôner de temps en temps. Non, non. Ok, et ben, c'est donc Les Évadés de Franck Darabont. Avec une musique de Thomas Newman. Avec une musique de Thomas Newman en 1994 et également La Ligne Verte. Donc voilà, côté cinéma, on peut dire que voilà, l'œuvre de Stephen King a plutôt donné des films qui ont réussi à faire leur petit bout de chemin. Et côté télévision, alors moi je sais que voilà, quand j'étais petit, j'avais vu sur M6, alors c'est pas vraiment une adaptation étant donné que c'est un scénario original qu'il a écrit directement pour la télévision, je ne sais pas si tu avais vu ça Jean, La Tempête du siècle. Oh, plus d'une fois. Je crois que c'est l'adaptation de Stephen King que j'ai vu le plus de fois, que je connais le mieux, et d'ailleurs j'ai eu je sais pas si c'est le malheur, mais de lire un seul livre de Stephen King dans ma vie. C'est La Tempête du siècle qui en fait était écrit sous forme de scénario. En fait, c'était un scénario, oui, c'est ça. C'était un scénario qu'il avait écrit et publié. À la télévision, il y avait eu Je ça. Je suis une théière au ventre enflé. André Linoche. Si vous l'avez vu, ça marque. Ouais, ouais. Et donc, ça, c'était en 99. En 1990, il y avait déjà eu, avec Tim Curry, une première adaptation de ça. Sous le titre de Il est revenu. Pardon, excusez-moi, j'en perds mon tube digestif. Il y avait eu également une série Dead Zone, mais que moi, je n'avais pas regardé. Je ne sais pas si tu l'avais regardé. J'ai dû voir le début, ouais. C'était dans la fameuse trilogie du samedi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Quand on était petit. Avec un acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est toujours surprenant quand on l'a vu dans Dead Zone de comprendre que c'est ce jeune totalement maladroit dans des films de John Hughes. Oui. On croirait que ce n'est pas la même personne, quoi. Et puis ces dernières années, alors il y en a eu pas mal, hein, ces dernières années à la télévision. Il y avait eu Under the Dome, où je me souviens qu'avec mes amis kingiens, on s'était beaucoup chauffé et on avait été très, très, très, très, très déçus. Parce que, bon, Under the Dome, c'est le prototype de l'histoire à la King, hein, une petite ville dans laquelle arrive le mal et puis on va remuer la merde, en gros. Il y avait eu, alors ça, je ne sais pas si toi tu avais regardé, Mr. Mercedes avec Brendan Gleeson. Je ne savais pas que c'était avec lui, en fait. Avec Brendan Gleeson, tu veux dire ? Oui. Ouais, si, j'ai regardé Mr. Mercedes en entier et c'était vraiment pas mal. Surtout les premières saisons. La première saison, la deuxième. Je crois que la troisième, ça partait vraiment dans un autre délire. Mais en même temps, c'était vachement passionnant. Enfin, je sais pas si je vais pas en dire plus, mais bon, après, c'est du Stephen King, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. Mais c'est vrai qu'on part dans un truc très réaliste, hein, concrètement, de tueur. Oui. Et oui. Après, au fil des saisons, on part vraiment dans limites fantastiques, Stephen King, des choses moins concrètes, plus abstraites qui peuvent dérouter, quoi, quand on a commencé dans un pur truc où on réaliste, quoi, en fait. Mais c'est assez passionnant, les acteurs sont assez géniaux. Ouais. Et est-ce que tu avais vu Castle Rock ? Je crois que c'était pour Amazon, c'était une série d'anthologie pour Amazon ou HBO. Non, Castle Rock, j'ai pas vu. Non, non, c'est pareil, j'avais pas regardé, mais bon. Il y a tellement d'adaptations. Bah oui. Je me souviens encore de l'époque du lycée où dans mon lit, j'avais imprimé la liste Wikipédia des adaptations et j'ai essayé de cocher celles que j'avais vues. Et déjà, à cette époque-là, il y en avait déjà une bonne partie que j'avais pas vue. Ouais. Donc là, j'imagine même pas le retard que j'ai pris. Et en 2020, il y a aussi eu The Outsider pour HBO. Voilà, je sais pas si ça te dit quelque chose. C'était pas mal, The Outsider. Ouais. D'accord, ok. Donc, écoute, voilà. C'est pour ça que je voulais faire le point aussi sur les adaptations de Stephen King. Ça permettait de faire... J'oublie même que c'est des adaptations de Stephen King. Des fois, on oublie assez vite. Et donc, Lizzie Story, c'est la dernière en date. Et alors qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce que tu te sens, toi, de le pitcher, étant donné que tu as vu le premier épisode il y a moins longtemps que moi ? Non, je t'en prie. Ouais, comme d'habitude. En gros, après la mort de son mari, qui est un écrivain célèbre, Lizzie se retrouve face à la fois l'expérience du deuil et face à des souvenirs qui tentent de revenir à la surface, mais qu'elle repousse un peu. Et en même temps, des souvenirs qu'on a l'impression que son défunt mari, depuis l'au-delà, tente de faire ressurgir pour elle. Voilà, à travers un jeu de pistes qu'il met en place dans sa vie. Donc, comme toujours, étant donné que c'est là le début de l'histoire et qu'on en est au moment où on enregistre à l'épisode 3 et que moi, personnellement, j'en ai vu que deux et Jean n'en a vu qu'un, King, ça commence toujours comme ça. Hein. Voilà, il va vous planter un décor, des personnages, un mystère et puis ensuite, on va voir où ça nous emmène. Moi, personnellement, je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas où ça va nous emmener. Mais en regardant ces deux premiers épisodes, pour la première fois depuis longtemps devant une adaptation de King, ça m'a donné très, très envie de continuer. Et je pense que c'est dû à la fois au respect du matériau de base, parce que voilà, en fait, King, c'est toujours un peu gros sabot, quoi. C'est quand quelqu'un est en deuil, il est très triste. Les personnages sont toujours dessinés à gros traits. Quand ça se passe dans une petite ville, il y a toujours le shérif. La vieille acariâtre. Voilà. Et là, je trouve qu'ils ont réussi à trouver un certain équilibre entre cette grossièreté de traits de King à laquelle ils sont fidèles et en même temps une certaine finesse et une certaine poésie, un certain mystère qu'arrive à instiller Pablo Larraine et son chef opérateur pour cette série qui est, je crois, Darius Conji, non ? Si je ne m'abuse. Ouais, lui-même. Voilà. Français. Donc franco-iranien. On n'a pas, en fait, je pense qu'on n'a pas, en tout cas moi j'en ai pas encore grand chose à vous dire, mais je voulais quand même en parler parce que voilà, Stephen King, ça fait partie de mes auteurs de chevet quand j'étais adolescent. Et je pense que cette série peut, pour une fois, remplir le contrat, tenir les promesses qu'elle fait en début de saison. J'espère que ça va aller là où j'espère que ça va aller. On voulait aussi vous en parler parce que y a des acteurs qu'on aime bien. Hein. Il y a. Alors, tu veux prendre le relais. Oui. Ouais, juste avant que je parle des acteurs, Clément connaît beaucoup mieux Stephen King que moi, mais j'ai vu beaucoup d'adaptations, moi. Et en fait, a priori, Stephen King a déclaré que c'était son livre ou un de ses livres préférés qu'il avait écrit. Donc, il y a vraiment cette volonté derrière cette série de faire quelque chose de vraiment bien. Et comme on vous a fait la liste un peu de certaines adaptations, vous avez pu voir que voilà, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Oui, parce que là, on a vraiment Under pris en Dome. Plus que, oui, oui. Et que ce qu'on avait regardé et que ce qui était bien. Donc, voilà. Donc forcément, bah, quand on veut faire le truc le meilleur possible, bah, on fait appel à des gens confirmés ou des gens qui ont du talent, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que bah, Stephen King a écrit lui-même l'adaptation, enfin, le scénario oui, pour la série. C'est vrai, c'est lui qui a écrit, oui. Comme on l'a dit, Darius Kanji, pour ceux qui ne connaissent pas, Darius Kanji, c'est un des plus grands chefs-op de l'ère moderne, qui a commencé avec Jeunet et Caro en France, sur Delicatessen, etc., qui ensuite a fait, par exemple, pour nommer quelques films, Seven de David Fincher, et qui a fait, par exemple, aussi Uncut Gems, oui. par hasard. Donc voilà, quelqu'un de... extrêmement talentueux, qui a du métier et qui sait créer des univers visuels. Ah oui, ouais. Clairement, ouais, il a quelque chose dans l'univers. Poétique et quand même, Stephen King, ça s'échappe toujours du réel. Ouais. Et là, déjà, dans les premiers épisodes de Liz History, on voit que il y a tout un monde imaginaire qui existe visuellement et de manière très convaincante. Ouais. Et j'ai cru voir une image de la série que j'ai pas vue dans l'épisode 1, donc je pense que ça va tourner vers quelque chose de très visuel dans la suite de la saison. Dès l'épisode 2, oui. Et ouais. puis à côté de ça, voilà, Pablo Larraín, qui est un réalisateur vraiment, bah là, c'est vraiment un auteur, c'est-à-dire que ça fait presque bizarre, vraiment, moi j'ai un peu bugué quand j'ai vu Pablo Larraín, Stephen King, c'est quand même deux univers un peu différents. Pablo Larraín, c'est le mec un peu à festival de cinéma, à Cannes, ou des choses comme ça. C'est un réalisateur chilien voilà, qui a fait, par exemple, récemment Jackie avec Natalie Portman sur Jackie Kennedy. Il avait fait... Le dernier film, c'était Emma, sur une danseuse. Je ne sais plus dans quel pays, mais c'était assez passionnant aussi. Il avait fait Neruda, The Club, Tony Manero, Post-Mortem. Enfin, oui, voilà, Tony Manero. C'est vraiment... Nous, la première fois qu'on a entendu parler de ce mec, c'était au Festival des Trois Continents à Nantes pour Post-Mortem, qui était son premier film, je crois. Donc voilà, c'est assez passionnant de voir ces univers se croiser. Et donc, du coup, au casting, on a Julianne Moore. Donc, voilà, ah oui, c'est ça, Julianne Moore. Ouais. On aime ou on n'aime pas, mais c'est, je pense, une actrice assez appréciée quand ouais, même. Je l'aime beaucoup, moi, dans Liz History. Qui en a jamais fait trop, en fait. C'est une actrice qui a toujours été assez simple dans ses rôles. Je pense à Todd Haynes et à Safe. Oui, voilà. Non, mais je faisais tête à cause de Maps to the Star parce que je trouvais ça un peu con qu'on lui ait donné. On lui a pas donné son Oscar. Non, pas son Oscar. Son prix à Cannes. Son prix d'interprétation à Cannes pour Maps to the Star. Et bon, je pense que. Pour Save de Todd Haynes, ça méritait peut-être plus. Ouais. Mais voilà, on a Clive Owen, qui est un acteur que j'aime énormément, que j'aimerais voir beaucoup plus, qui a fait des pépites, des films qui sont assez inconnus pour certains. Genre, je pense à Croupier de Mike Hodges, qui est un film incroyable. Et à Seule la mort peut m'arrêter, je crois. En anglais, c'est I Sleep When I'm Dead, un film qu'il avait fait avec Charlotte Rampling, du même réalisateur, qui est vraiment génial, je vous conseille. Okay. Et un acteur qui à une époque était pressenti pour faire James Bond, finalement Daniel Craig a eu le rôle, mais je trouve que vraiment Clive Owen, en tant que fan de James Bond, je trouve que c'était vraiment le mec pour faire James Bond. Vraiment ce truc. Au final, ouais, il a dû faire, juste après ça, il a dû faire un petit film d'action tout pourri. Je crois que c'était l'adaptation de Max Payne. Et puis il y avait Shoot 'Em Up aussi. Oui, Shoot 'Em Up. Voilà, il est bon pour déglinguer des gars, quoi. Mais je pense qu'il est bien plus subtil que ça et qu'il aurait pu faire un très très beau James Bond. Mais on aime beaucoup Daniel Craig. Ça a été une grande surprise quand même, donc on est content quand même. Mais voilà, et il y a Jason Lee, cette actrice... qui remonte un peu, là, qui revient un peu grâce à peut-être, je sais pas, Tarantino qui l'a pris dans Les Douze Salopards. Je pense que ça a aidé, ouais. C'est vraiment une actrice qui avait joué à l'époque des rôles assez... Enfin, elle est assez incroyable, elle est mémorable. Dès qu'on la voit, on se souvient d'elle. Hein. Je l'ai revue... Enfin, non, je l'avais pas vue. Il y a quelques années, je l'ai vue dans un film de Verhoeven, La chair et le sang. C'est... Voilà, quoi. C'est... Non. Une carrière... On la voit un peu partout et en même temps, elle n'est pas très connue. Mais elle est très bien. Je crois qu'elle a joué chez Barbet Schroeder, je crois qu'elle jouait dans... Ah ouais ? J'ai un doute, mais je crois que c'était elle dans... Jeune fille cherche appartement avec Bridget Fonda. Ah ! C'est elle, sa coloc. Oui. Ouais, elle a vraiment quelque chose d'assez... ouais. Elle ne joue jamais la petite fille toute simple, gentille. Non. Donc voilà, une série... Bah, avec un beau casting et une belle équipe. Ouais, et puis, on attend de voir la suite. Et puis, ouais, on attend de voir la suite, exactement. Et la suite pour nous en attendant, c'est donc Sophie Jones. Sophie Jones, un film de Jessie Barr, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. C'est Jessie ou Jessica ? Ouais, c'est Jessie, ouais. C'est Jessie, oui, puisque c'est un film de Jessie Barr avec Jessica Barr. Sorti en 2020. Et donc, encore une fois, puisqu'on aime faire des rebonds et des liens dans Home Alone, une histoire de deuil, parce que l'histoire de Sophie Jones, c'est l'histoire de Sophie qui, après la mort de sa mère, donc Sophie a 16 ans, cherche à tout prix le moyen de sentir à nouveau quelque chose. Voilà. Et donc, voilà, Sophie Jones, c'est comme tous ces films qui portent le nom de leur personnage principal, c'est avant tout un film qui raconte un parcours et un parcours qui est porté par une actrice, cette fameuse Jessica Barr. D'ailleurs, est-ce qu'on sait quel âge elle a au moment où elle tourne Sophie Jones ou pas ? Est-ce qu'elle a vraiment à peu près 16 ans ou est-ce qu'elle a plutôt 20 ans ? Je pense pas qu'elle ait 16 ans parce que j'avais regardé vite fait ce qu'elle faisait et elle réalisait déjà des courts-métrages, etc. Elle était déjà en études supérieures, donc ouais. Je pense qu'elle est, elle a peut-être elle est plus... 20 ans quand elle fait le film ou quelque chose comme ça. Non, parce qu'elle est assez crédible. Enfin, elle est assez crédible en fille de cet âge-là. Et donc, Jean est en train de chercher la réponse. Mais non, je ne trouverai pas son âge. Mais... Ah oui, l'âge d'une actrice, c'est tellement difficile à trouver. Ben non, mais elles mentent toutes. Et donc Sophie Jones. Jean, parle-nous un peu de Sophie Jones parce que c'est toi qui m'a dit de regarder ce film. Pourquoi tu m'as dit de regarder ce film ? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans dans cette histoire ? Je l'ai pas beaucoup en tête le film. Ça fait un petit moment que je l'ai vu, mais vraiment tout est raccord avec ce dont on vous a parlé avant. C'est vraiment l'actrice qui pour moi faisait le film. Un film qui pourrait être vraiment un petit film comme ça, un petit film indépendant devant lequel on passe un bon moment et après voilà, on l'oublie assez vite. Mais il suffit d'une actrice pour que finalement ce film reste dans un coin de votre tête pendant quelques mois ou plus, je verrai. Mais ouais, cette actrice Jessica Barr qui a priori, selon mes recherches, est la cousine de la réalisatrice. Ah bah oui, on donc, se demandait. Voilà, cousine. Cousine. Parce qu'elles doivent pas avoir beaucoup d'écart. C'est un premier long métrage, donc Jessica Barr, ouais, peut-être qu'elles ont 7-8 ans d'écart, pas plus quoi. Et donc c'est sa cousine. C'est rare d'avoir une réalisatrice qui filme sa cousine finalement. Et alors, parce que j'ai dit qu'elle essayait à tout prix de sentir quelque chose dans cette période de deuil qui l'affecte. Mais alors comment ? Comment elle s'y prend Sophie Jones pour sentir à nouveau. Qu'est-ce qu'elle fait dans le film ? Raconte-nous. En gros, c'est via des rapports physiques, du sexe avec des hommes qu'elle essaie de retrouver quelque chose. Pas des hommes, des garçons. Des garçons. Des jeunes garçons potentiellement vierges de toute relation. Bah oui. Donc oui, c'est comme ça qu'elle essaie de se raccrocher après la mort de sa mère, mais en même temps, oui, elle rejette un peu tout le monde autour d'elle, c'est compliqué. Mais franchement, je sais même pas quoi en dire. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs choses qui sont assez touchantes, je trouve, dans ce film, c'est que il y a quelque chose de comment on fait un deuil, que ce soit le deuil de quelqu'un qui soit mort ou d'autres choses. C'est-à-dire que le film nous montre bien que parfois, quand on souffre de quelque chose et qu'on n'a pas forcément idée de comment régler ça, on va se trouver une solution qui va peut-être juste permettre de combler le vide, même si on sait qu'au fond, ça ne le comble pas, et on va insister. Et ça, je trouve que ça, c'est une des choses que le film montre d'une manière assez belle, c'est-à-dire que c'est assez fin dans le sens où ça nous montre ce personnage de Sophie et qu'elle sait très bien, au fond, que coucher avec tous ces garçons, ça ne va pas combler ce vide qu'elle ressent en elle. Ça ne va pas l'aider à faire son deuil. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que de ne rien faire, c'est mieux que de regarder le vide. Et donc elle insiste et elle insiste et elle insiste. Et c'est une voie de garage, mais elle décide d'y aller à fond. Et finalement, je trouve que c'est un film qui montre bien que parfois, on fait des choses pour essayer de se faire du bien et on sait que ça fonctionne pas forcément, juste parce qu'à un moment donné, on a peut-être trop mal, mais qu'en faisant ces choses, on va quand même réussir à grandir et à peut-être, par ricochet ou par détour, trouver un moyen d'aller mieux. Et puis surtout, en fait, moi, j'ai trouvé que ce film, c'est quelque chose d'assez rare. C'est un film qui parle de manière assez juste de ce que c'est que le sexe à cet âge-là. C'est-à-dire que là, on parle d'une fille qui a 16 ans. Sachant qu'on parle d'une Américaine qui a 16 ans, je pense que c'est important de le dire parce que j'ai quand même l'impression, mine de rien, que en termes de maturité émotionnelle et sexuelle, les Américains ont quand même toujours 1 ou 2 ans de retard sur nous, les Français. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un film qui montre ce que c'est que le sexe à cette époque-là de la vie et qui montre très bien qu'en fait, le sexe à cette époque-là de la vie, c'est pas du tout une affaire de désir, enfin pas du tout. C'est très peu une affaire de désir, c'est très peu une affaire de plaisir. Au final, c'est beaucoup quelque chose de social et d'identitaire, c'est-à-dire que voilà, c'est l'âge où on va chercher à coucher pour se dire qu'on a couché, pour pouvoir dire qu'on a couché, pour pouvoir se positionner dans cette sorte d'atlas social qu'est la communauté des jeunes adolescents de sa ville. Et je trouve que ça... Tout ce qu'est ou n'est pas encore le sexe à cet âge de la vie, je trouve que Sophie Jones, c'est un film qui montre très bien tout ça. Moi, c'est un film qui, de manière assez peut-être étrange, m'a rappelé un autre film qui était Manchester by the Sea de Kenneth Lonergan, dans lequel on avait un personnage qui était en deuil et qui était adolescent et qui lui aussi faisait son deuil par le cul. Et c'était le personnage de Lucas Hedges. Et c'est assez drôle parce que, en fait, en voyant Sophie Jones, j'ai presque eu l'impression de voir un alter ego du personnage de Lucas Hedges à qui on aurait consacré un film à part entière. Donc voilà, un petit peu toutes les raisons pour lesquelles moi j'étais très content que tu me dises de voir ce film. Eh bien, ça me fait plaisir que tu aies aimé. C'est un beau film, un beau petit film, parce que en revoyant certaines scènes, j'ai revu la fin avec Clément et je me disais, il y a des plans. Voilà, qui sont un peu, qui font très premier film. Mais en fait, quand je l'ai vu, je m'en foutais de ces plans parce que j'étais tellement attaché au personnage principal, à l'actrice, que en fait, moi, quand il y a une actrice que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve assez géniale dans son rôle, bah, le film peut durer 4 heures, 5 heures, je m'en fous parce que il peut se passer n'importe quoi. Il peut y avoir des petits plans qui me plaisent un peu moins. Je ne les vois pas parce que je regarde que l'actrice et je me dis, voilà, c'est découvrir quelqu'un. J'espère concrètement que je la reverrai dans d'autres films. Je surveillerai sa filmo, mais j'ai bon espoir. Ouais, ouais. On espère qu'on reverra Jessica Barr après Sophie Jones. Et alors, pour terminer ce Stream Breakers, on reste encore une fois chez les femmes avec Emma Seligman, qui réalise Shiva Baby, un film de 2020. Un film qui raconte, je ne vais même pas demander à Jean cette fois, parce qu'à chaque fois, il m'envoie bouler, donc l'histoire de Danielle, jeune étudiante paumée, qui se voit contrainte de se rendre à une Shiva. Alors, une Shiva... Qu'est-ce qu'une Shiva ? C'est pas la veillée mortuaire, mais en gros, c'est le moment après les funérailles où toute une famille juive va se retrouver pour évoquer le défunt, en fait, voilà. Et donc à cette Shiva, elle va se retrouver prise en tenaille entre une famille qui la juge, une amie d'enfance de laquelle elle est, on peut le dire en fait, tout simplement encore amoureuse, parce qu'il faut dire que voilà, Danielle est très fluide, hein, elle fait partie de sa génération, je sais pas si on pourrait dire qu'elle est bisexuelle, mais en tout cas, voilà, cette fille ne la laisse pas indifférente. Donc, prise en tenaille entre sa famille, cette fille, et son sugar daddy, dont la femme et le bébé sont présents à cette Shiva. Donc, grosse journée hein, pour Daniel, voilà. Daniel qui, oui, on l'a dit, en plus de ça, est passablement paumé dans sa vie. Et encore une fois, un film que Jean m'a demandé de regarder et que j'ai regardé avec plaisir. Et un peu avec plaisir, mais quand même un peu avec... je me fais attaquer par des mouches, ça y est, c'est l'été. C'était un peu éprouvant, je trouve. Enfin, c'est... Bah oui. Bah oui, éprouvant dans le bon sens, mais parce que, voilà, en fait, tout le film est fait d'un point de vue subjectif, on est constamment avec Daniel et on vit avec elle cette expérience bah, très, très oppressante. Quoi. Et, comme dirait pas un anonyme, mais pas un critique professionnel, quelqu'un comme nous, sur le fameux site Letterboxd, le film juif le plus stressant depuis Uncut James. Oui, c'est un peu ça, mais c'est pas ça très drôle. C'est pas le même genre de stress. Ah oui, non. Non, parce que autant dans Uncut James, c'est l'adrénaline. Là, c'est je sais plus comment ça s'appelle cette hormone du stress quand on sent qu'on est acculé, mais c'est vraiment ça. Et voilà, enfin c'est. Pour moi, c'est un film qui montre très bien ce que ça peut être, ce sentiment d'épuisement dû à la fatigue qu'on peut ressentir parfois quand on se retrouve dans sa famille, dans une grande réunion de famille, de devoir être à la hauteur, devoir être à la hauteur de ce que les gens se sont imaginés pour nous par rapport à nos promesses, les promesses qui s'étaient imaginées pour nous, les promesses de réussite par exemple, ou alors aussi la comparaison entre nous et d'autres membres de notre famille, de la même génération, qui y a réussi entre guillemets, qui n'a pas réussi. Voilà, enfin je trouve que c'est un film qui montre bien ce que la vie familiale peut avoir de lourd à porter, parfois, ouais, de lourd à porter, et en même temps de beau, parce qu'en fait, on se rend compte, en voyant ce film et en traversant cette journée avec Daniel, que, en fait, ces gens-là, et notamment ses parents, et notamment sa mère, en fait, l'aiment, voilà, et qu'au final, s'il y a quelqu'un qui met la pression à quelqu'un dans toute cette histoire, c'est peut-être simplement plus Daniel qui se met la pression à elle-même. Et ça aussi, je trouve ça assez joli. Tu parles de famille, mais au final, là, on a l'impression qu'il y a quand même très peu de gens de sa famille directe. Mais là, on parle de... Voilà, c'est la communauté juive. Vous imaginez ces événements, un enterrement où il y a un peu tout le monde, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. À plusieurs reprises dans le film, il y a des femmes qui lui disent « Ah, j'ai l'impression que la dernière fois que je t'ai vue, t'étais toute petite, t'étais bébé, quoi. Ah, ça y est, t'es une femme, ça y est. » Et donc, ouais, c'est une communauté qu'on voit, enfin, nous, on ne connaît pas personnellement, mais on voit ça dans les films. Y a aussi le côté... c'est vraiment des communautés où les parents cherchent à trouver à tout prix un boulot pour leur enfant via les amis. Attends, toi, tu fais quoi comme étude? Ah bah, je connais peut-être quelqu'un. Vas-y, attends, viens, je réfléchis si je connais quelqu'un qui bosse là-dedans. Enfin, ouais. Voilà, c'est très comme ça. Et puis oui, bon, après, toute l'attention est mise sur le fait qu'il y ait son sugar daddy. Hein. C'est vraiment ça le point central quand même aussi du film. Ouais. C'est-à-dire que le film commence comme un épisode de Girlfriend Experience presque. Oui. Elle oui. est chez son sugar daddy dans un appart assez... assez luxueux, luxueux ouais, ouais, on peut le dire. D'ailleurs, au tout début du film, elle fait penser qu'elle est en étude que c'est pour payer ses études de droit, donc ça rappelle encore plus Girlfriend Experience, clairement. Donc, alors qu'en fait, on découvre qu'elle fait ça, que avec lui, et en fait, qu'elle n'a pas besoin de l'argent. Ouais. Donc en fait, que cette relation, elle n'est pas, comment dire, et puis on le voit par rapport à la réaction qu'elle a par rapport oui. à la présence du mec. Ah bah oui. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi. C'est pas juste un client. Ouais. Donc, ouais, c'est... Rude journée pour Daniel. Voilà. C'est un film dont la musique joue un rôle assez important, hein, vraiment. Et les plans très serrés, vraiment, il y a de la tension pendant tout le film. Ça me faisait penser un peu à un petit film aussi indépendant qui s'appelait Krisha de Trey Edward Schultz, qui marchait un peu sur le même ton, sur une grand-mère. C'était une réunion de famille également. Avec une grand-mère un peu tarée, je crois, et ça partait. C'était très similaire dans le ton de mémoire. Et puis il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure qui me fait me rendre compte d'un truc qui est très très bien aussi dans ce film et dont j'ai pas parlé, c'est que c'est un film qui montre aussi très bien le poids de la famille sur le corps qu'on a, le corps qu'on se fait. Par exemple, un truc qu'on lui dit toujours, c'est qu'elle est maigre, il faut qu'elle prenne du poids, tout ça et tout. Et quand on est un mec, ça va, on se le tape pas trop, mais c'est vrai que quand on est une meuf, hein, en fait, typiquement, quand on... La famille, c'est des gens qui se permettent de dire des choses que les autres ne se permettent pas de dire, et c'est des gens qu'on voit pas forcément toujours. Donc en fait, c'est toujours des gens qui vont se permettre d'avoir des réflexions du style « Oh bah dis donc, t'as maigri, bah dis donc, t'as machin », surtout aux meufs. Et ce film... montre très bien que c'est complètement insupportable et oppressant, quoi. Donc voilà, les meufs, si jamais vous vivez ça aussi, quand vous rentrez chez vous, cette oppression familiale par rapport au corps que vous vous faites et que vous choisissez d'avoir, voilà, ça risque de vous parler. Voilà. Et encore une fois, une actrice assez géniale, Rachel Sennott. Qui avait joué, du coup, c'est adapté d'un court-métrage de la même réalisatrice dans lequel elle jouait également le rôle. Donc voilà, une adaptation plutôt réussie d'un court-métrage. On n'a pas vu le court-métrage, mais. Ah, je savais pas que c'était. Mais adapté d'un bon, cours. Ça doit être compliqué de traiter de ça en, je crois, 7 minutes ou 14 minutes. Ouais, oui, ça devait pas être exactement la même histoire. Eh bien, beaucoup de... Oui, dis-moi. Oui, bah, on a oublié pour Sophie Jones. Malheureusement, Sophie Jones n'est pas disponible, n'est pas disponible en France actuellement. C'est pour ça qu'on a oublié, S'il est disponible à l'avenir, on vous le dira, évidemment. Mm. Et si vous n'êtes pas en France, wink, envoyez-nous un petit message et on vous dira où vous pouvez voir Sophie Jones. Voilà. Et pour Shiva Baby, vous avez plus de chance. Il est disponible depuis très, très peu sur Mubi. Sur Mubi, ouais. Mubi France. Ouais. Sur Mubi France. Ou Mubi partout, je crois. Ouais. Je vois qu'il est l'heure. Oh, l'heure de faire passer tout ça avec un petit Dijon. Un petit Dijon. J'étais pas simplement saoul. Hein. Vous étiez surtout malade. Non, je sais que j'étais ivre morte. Je me suis mal conduit. Oh, ma pauvre enfant. On voit que vous ne connaissez pas le trou. Vous avez la nausée ? Votre main tremble déjà ? Vous voulez une gorgée d'alcool ? Je bois. Pour moi, il n'y a que ça. Je vois. Non, je suis arabe. Des éléphants roses, des araignées sur le plastron. De mon smoking, des chauves-souris au plafond. Du living room. On nous a resservi à boire. Très bien fait. J'ai encore soif. Cela ne tienne, Joseph. Servez à boire à madame. Alors, Jean, histoire de faire passer ce copieux menu qu'on a servi ce soir à nos invités, qu'est-ce qu'on pourrait bien leur servir avant qu'ils reprennent la route ? Un film de Barbie, je sais pas. Ah, c'est le premier truc qui me vient en tête. Barbie Poufias. Oui, on va leur servir un petit film d'Albertina Carey, Ce n'est pas le film Barbie officiel. Non, c'est pas le film Barbie officiel. Mais d'ailleurs... Qui doit être fait par Greta Gerwig, je crois. Non, c'est pas vrai. Mais il me semble. Bah, dis donc. Elle en a fait du chemin. Donc, ce film s'intitule Barbie también puede estar triste. Barbie peut aussi être triste. Donc, c'est un court-métrage d'animation de 2002, donc d'une réalisatrice qui s'appelle Albertina Carey. Et pourquoi on vous le propose ? Parce que, tout simplement, voilà, on vous a proposé des films et des séries où ça baisse dans tous les sens. et vous n'avez rien vu si vous avez déjà tout regardé. Donc là, au moins, pendant une vingtaine de minutes avec Albertina Carey, vous verrez tout. Vous verrez tout de la vie sexuelle des Barbie, des Ken qui décident de devenir des Barbie complètement ou à moitié. Donc voilà. Si tout ça vous a chauffé et que vous étiez resté sur votre faim, vous pouvez regarder Barbie Tambien Puede Estar Triste d'Albertina Carey, qui est sûrement plein de sous-textes très intéressants, mais desquels je n'ai pas envie de parler à l'heure actuelle parce qu'il est déjà trop tard. T'as dit le titre en espagnol, c'est ça, non ? Oui. Du coup, ça veut dire quoi ? Les Barbie peuvent, elles aussi peuvent être tristes. Barbie peut aussi être triste, ouais. Littéralement. Voilà. Et Si vous avez envie de voir une espèce de coït ininterrompu de Barbie Ken, ouais. Voilà, c'est le film pour vous. Ouais, il n'y a pas que du coït, hein, d'ailleurs. Il y a du cuny, il y a, ah oui, y a oui. De la fellation. Mais d'ailleurs, moi, je me suis demandé, c'est des Barbie officielles, mais enfin, les jambes des Barbie ne se plient pas comme ça, normalement. Aucune idée, j'ai jamais eu. T'as jamais joué au Barbie ? Et j'ai juste remarqué qu'il y avait des traits bizarres sur leurs jambes et tout. Je sais pas s'ils les ont fait exprès pour non. Le. Non, c'est normal. Ah, les traits, c'est normal. Putain, bah voilà. Le désavantage d'être le seul homosexuel dans un podcast. Voilà, on est seul à avoir joué. Je pense que Barbie. C'est des Barbies faites exprès pour le film. Bah, à la fois, elles ont. Ça se tord pas comme ça, je pense. Et est-ce que toi, tu avais regardé cette série ? Parce qu'en fait, voilà, moi, je me rends compte que, en fait, parler de ce film, c'est aussi l'occasion de parler d'une série que j'avais beaucoup aimée, qui continue d'ailleurs, mais que, bon, bref, j'ai pas continué. Dans laquelle je crois que Barbie joue, c'était. C'est d'ailleurs toujours, peut-être, Robot Chicken de. Comment il s'appelle ? Seth MacFarlane ? Peut-être. Ouais. Oui. Je vois ça. La série, mais je sais pas que c'est. Je savais pas que c'était Seth MacFarlane. Je crois. MacFarlane. Tu avais regardé toi ou pas ? Non. Robot Chicken, parce que c'est très très drôle. Alors c'est bourré de références à la culture pop culture ou culture tout court, même culture politique américaine. Donc parfois c'est un petit peu compliqué à suivre, mais en gros le concept de Robot Chicken, c'est pareil, c'est de l'animation un peu trash. Et en gros c'est l'idée c'est que c'est un poulet lobotomisé qui zappe devant sa télé et qui tombe sur plein de détournements d'émissions de télé ou de films célèbres et très très trash. Et du coup, en fait, voilà, c'est ça, Barbie. En fait, Barbie Tambien Puede Estar Triste, au-delà de son sous-texte féministe, m'a fait penser à cette série que j'aimais beaucoup. Et donc, c'est bien ça, hein, c'est bien Seth MacFarlane. Non, c'est Seth Green. Ah, c'est ça, c'est Seth Green. Celui qui jouait le petit ami loup-garou de Willow, oui. Dans Buffy contre les vampires. C'est ça, celui qui jouait Oz. Ouais. Mais qui apparemment est dans les Griffins de Seth MacFarlane, je crois. Il y a quand même un lien. Ouais. Et ça continue alors, Robot Chicken ? Alors, Robot Chicken. Parce que ça fait longtemps, hein. Ils en sont à la saison au moins 12 ou 14, quelque chose comme ça. A priori, c'est toujours en cours, ouais. Ouais, bon bah voilà, c'était donc l'occasion de parler de Robot Chicken. Et sinon, pour ceux qui ne voudraient pas voir d'images interdites au moins de 18 ans, même si ça n'est que du plastique, on peut aussi vous conseiller de voir un autre court-métrage réalisé par une femme qui s'intitule She Puppet. C'est un film de Peggy Awesh, réalisé en 2001. Qui, là encore, interroge le corps des femmes via le prisme d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo auquel vous avez peut-être joué, tout comme moi, tout comme Jean, peut-être aussi. Ouais, ouais. Voilà, quand nous étions enfants/adolescents, qui s'intitulait Tomb Raider, dans lequel le personnage principal, Lara Croft, était, comment dire ça, bien faite. Ouais, on va dire ça comme ça. Et donc dans She Puppet... En bienfaite, tout est relatif. Hein. C'est-à-dire ? Le corps est particulier quand même. Enfin, je pense pas que beaucoup de femmes aimeraient ressembler exactement à Lara Croft dans ces éditions-là de Tomb Raider, avec les hanches méga fines et le reste très large. Ouais. Le tour de taille, comme ces filles qui font du burlesque et qui se mettent des corsets très très serrés là. Et donc, dans Chipepette, voilà, vous avez l'occasion d'entendre Peggy Awesh réfléchir sur la condition féminine en voix off, sur des images. Surtout des citations de livres, a priori, hein, qu'elle a utilisées. Mais ouais. C'est Peggy Awesh, c'est vraiment une artiste contemporaine. Hein. C'est une œuvre qui a dû être exposée dans des galeries, quoi. Enfin, des expositions d'art contemporain. Mais voilà, c'est intéressant. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, l'utilisation du jeu vidéo dans le plus dans l'art du coup que le cinéma. Mais ça existe dans aussi le court-métrage. Dans le court-métrage, il y a beaucoup de plus en plus, ouais. Bah oui. Je pense par exemple récemment à Martin Pleur de Jonathan Vinel sur les images de GTA. Mais ouais, Chipepette, il y a peut-être quelqu'un qui l'a fait avant, mais là c'est le plus vieil exemple que j'ai de l'utilisation d'un jeu vidéo dans l'art ou dans le cinéma, quoi, en tout cas. Et pour se quitter en musique et pour faire un dernier clin d'œil à notre petite Riley et à notre petit Steven, je propose que l'on se quitte en musique avec un morceau d'Elvis Presley que l'on retrouvait dans Ocean 11. On vous retrouve, avant que je lance ce morceau, dans 15 jours donc, pour la Gazette des Galettes, l'actualité de l'édition vidéo, et pour Message Personnel, notre répondeur des auditeurs. N'hésitez d'ailleurs pas à nous laisser vos messages au 03 74 44 89 49, prix d'un appel local numéro non surtaxé. N'hésitez pas également à nous écrire à l'adresse suivante si jamais vous avez des retours à nous faire, des films ou des séries à nous conseiller, homelonecinema@gmail.com. Pour rappel, vous pouvez aussi nous écrire donc sur Facebook, Instagram ou Twitter. Et dans 15 jours, on vous parlera donc de deux villes dans lesquelles tout est affaire de circulation. Mystère, mystère. Mais d'ici là, tout comme Kevin, n'oubliez pas de vous laver complètement avec du savon, même vos petites fesses, vos petits doigts de pied, votre petit nombril, et surtout d'aller faire les courses en ville si vous n'avez plus de brosse à dents. Bisous, bisous. Bisous. Less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart, and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate, girl, just get clean. You just sit and wait around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me.